Salut Charline. Alors moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait traiter de l'UMP. Ouais. Non, bah allez, on peut en parler quand même, Alex. Moi, je suis ni pour ni contre. Ah ouais, toi, tu es genre ni, quoi. Ouais. Ok, bon, les filles. Oh non, contre. Ah ouais, ah, vous prenez comme ça. Ouais. Bah, sachez que c'est jamais une bonne idée de ne pas être d'accord avec son chef. Hein. Ah ouais, les menaces. Ce ne sont pas les menaces, ouais. C'est informatif. Ouais. Bon, alors Guillaume. Bah moi, je pense qu'il faudrait traiter le sujet, mais vu la conjoncture, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que... très bien. Bah, on n'est pas prêt de trouver un accord. Mais ça, c'est la démocratie, tu poses la question. Alors, la démocratie, merci bien. Alors, c'est pratique pour tout le monde, sauf pour le chef. Hein. Ça, c'est pas notre problème. Parce que moi, je pense quelque chose. Alors, lui, il me dit non. Là, on me dit oui, mais non. Parce que là, l'autre qui me fait ni. Je vous rappelle qu'on est une équipe et qu'on doit prendre une position commune. Oui, mais ça va pas être facile. Bah, heureusement que personne nous entend, parce qu'on passerait pour des branquignoles. Oui, bah, alors, justement. Est-ce qu'on va prendre une décision, oui ou non, sur ce sujet? Peut-être. Ni. Ah, très bien. Mais écoutez, si vous le prenez comme ça, on ne le fait pas. Voilà. Ok. Voilà. Donc, au final, l'équipe prend une décision qui n'est pas celle du chef. C'est comme ça, ça. Comme à l'UMP, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et en plus, ça vous fait rire. Mais non, c'est une mise en abîme du problème. C'est quoi une mise en abîme? Bah, une mise en abîme d'un problème qu'on traitera pas. Non, mais c'est quoi une mise en abîme? C'est marrant. Moi, en tout cas, je vais écrire ça dans la conf de rédac, ça va être drôle. Mais non, mais c'est quoi une mise en abîme? Oh, bah, par exemple, quand on parle de la conf de rédac dans la conf de rédac, c'est mise en abîme. Mais attends, c'est la conf de rédac là? Ah oui, elle est terminée là. Ah bon? Mais c'est quoi une conf de rédac au fait? Ah, ça, c'est une mise en abîme. Bonjour la France Inter, qui dit bonjour à la France Inter, et ça aussi, c'est une mise en abîme. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité à la disqueuse. Et voici les trois informations qui vont finir en rondelle jusqu'à 18h. La tournée européenne de la rockstar de la gauche passe par Paris. Alexis Tsipras a été accueilli en ami à Paris, mais à Bruxelles et sans cravate, c'est peut-être une autre histoire. Je dis pas de basket dans la discothèque. Dis-moi, Guidi, qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas. Aujourd'hui, on ne sort plus de la principauté d'Andorre avec des cigarettes, mais avec des paquets de flouze qu'on récupère sur son compte et qu'on planque où on peut pour repasser la frontière. Mets tes valises, mon beau Marcel, moi je te les transporterai au Havre. À pied, à genoux, n'importe comment et n'importe où. L'autre idée pour faire du cash, c'est de faire un album de reprise. C'est presque une spécificité française, nous dit le Figaro. Pour remettre certains chanteurs au goût du jour, eh bien tout le monde n'est pas pour. Enculé de Beko. Enculé de Beko. Et pour s'emparer de ces infos, je suis accompagnée du grand producteur de la blague, Alex Vizorek. Mais ils sont très bien ces trois sujets, Charline. On parlera de l'UMP demain. Alors autour de la table, que du sérieux. À 17h20, Benjamin Castaldi a dit de lui dans une interview dans Closer, s'il y a un homme pour qui je pourrais devenir gay, c'est André Manoukian. Et je vous c'est jure qu'il l'a dit. Oui, oui. Prendrez votre décision après. D'accord. C'est quoi le thème de l'émission, de votre chronique plutôt? Bonjour Alex, bonjour Charline. C'est le plus grand pianiste du monde de jazz. Il est tout petit, il est jeune, il doit avoir dans les 24-25 ans. Il s'appelle Tigran Amassian. Et Herbie Hancock dit de lui Tigran Amazing. Manoukian parlera d'Amassian. C'est pas trop casser le cul pour la critique. Hein. À 17h30, si j'avais moi dû être homosexuel, cela aurait peut-être pu être avec lui. Hey. Puisqu'il a une mauvaise foi presque féminine qui aurait pu m'attirer. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex Vizorek. De quoi on parlera? Alors c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. J'ai donc appelé les fournisseurs officiels de cancer. Par exemple, McDonald's. Non, c'est de la bouffe super bonne, bien équilibrée, tout ce qu'il faut. Ah non, a priori c'est McDonald's, c'est la bonne bouffe, pardon, j'étais pas au courant. Et à 17h40, il s'avère que je suis hétérosexuel. Ce qui constitue son plus grand malheur tous les jours entre 17h et 18h. Bonjour Clara Dupont-Menot. Bonjour Alex. De quoi on parlera? Eh bien, des premiers pas de Philippe Martinez à la tête de la CGT, d'où la question... Quelle est la place de la moustache en littérature? Si vous avez des commentaires à faire sur les prédateurs, comme Alex Vizorek, laissez un message sur Twitter, hashtag annule tout. Il existe aussi une page Facebook, parce qu'on aime liker. De plus en plus, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous sommes 10 000 et nous partîmes à 1-0-0-1 et nous arrivâmes 10 000. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République, monsieur. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Pompidou. Vous entrez aux Beaux-Arts de Dunkerque en 90 quand le Nord-Pas-de-Calais ferme sa dernière mine de charbon. Vous dessinez dans l'Humanité à partir de 97, l'année où s'arrête le Club Dorothée. Vous collaborez à Charlie Hebdo à partir de 2009 quand le RMI est remplacé par le RSA. Et donc vous êtes... Babouze. C'est Babouze donc. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Mais vous avez dit ce qui vous passait par la tête. Et voilà, c'est un dessinateur de Charlie Hebdo, hein, donc c'est normal. Oui, c'est ça. On peut dire tut, puis on peut dire tut, et si vous voulez dire tut, on peut aussi. Alors, vous dessinez Babouze, notamment le mardi dans l'Huma, dites donc bim, sauf hier, parce qu'il y avait une page sur Lydie Salver, et donc on a sucré votre dessin, dites donc. Oui, ça n'avait pas de sens. J'ai vu, il y avait une vieille dame à la place de mon dessin. Le prix Goncourt, attendez. Mais c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire en pleine tournée européenne de Tsipras Non, moi j'avais fait des SK. Racontez-nous votre dessin qui n'est pas paru alors qu'on en profite. Des SK prêts à tout déballer et un flic qui disait il est arrivé au tribunal en peignoir. Et comment on fait à l'humanité quand l'humanité traite mal ses employés? On a un procès politique. On a rendez-vous immédiatement colonel Fabien, en fait. et on doit aller de colonel Fabien jusqu'à la tombe de Georges Marchais à genoux, nu, en flagellant, comme ça. En faisant une autocritique, donc. Hein, oui, bien sûr, tout à fait. Quoi. D'où vient ce nom, Babouze? C'est quand j'avais 17 ans, en fait. J'avais les cheveux très longs, j'étais très beau et tout, mais moins qu'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, on m'a appelé le Babouze parce que... Vous étiez Baba ? Ouais, voilà. Baba cool. Ah oui, grave. Grave, Jet Rotul. Donc votre dessin... Ange, la totale... Oh, on peut voir votre dessin le mardi dans l'Humanité. Aujourd'hui, c'est Coco, d'ailleurs, par exemple. Et puis, vous dessinez aussi depuis 6 ans dans Charlie Hebdo, dont on apprend aujourd'hui qu'il a dépassé les 200 000 abonnés. Non, c'est pas moi, en fait. C'est un homonyme. Quelqu'un qui habite chez moi. Ah, des fois, j'ai... Oui, vous avez raison. Qui me ressemble. Mais maintenant que j'y pense. Honnêtement, honnêtement. Mais vous êtes content pour lui. Enfin, oui, non, mais... Vous allez répondre à sa place, alors. Je ferai jamais une chose pareille, quoi. Pour ce Babouze qui collabore à Charlie et qui a... Voilà, Charlie qui a plus de 200 000 abonnés. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce pognon, votre Babouze? C'est simple, de la pute et des coques. Qu'est-ce que vous avez gardé aussi, peut-être, de votre tropisme du Nord? Parce que vous êtes un dessinateur du Nord, vous êtes boulonnais, on dit comme ça? Oui, voilà, boulonnais. Peut-être pas tropisme, il est dessinateur. Hein, oui, voilà, trop de mots compliqués. Oui, alors, cours du soir à Boulogne-sur-Mer, et puis ensuite les Beaux-Arts à Dunkerque. J'imagine que vous gardez quelque chose de... je veux pas dire tropisme de ce terreau c'est vrai. Vous êtes l'enfant de votre sœur. Clara Dupont-Mono, bravo, les clichés. À la foire du livre de Roubaix, les gens viendront pas vous faire signer le bouquin. De toute façon, elle est trop vieille. Il y a peut-être pas de réponse à la question, hein, Babouze. Ce que j'ai gardé du Nord, c'est quand j'étais au Beaux-Arts Dunkerque, en fait, j'ai chouré un petit meuble pour ranger mes crayons et je l'ai toujours. C'était la fin de l'année. C'est une bonne réponse. Et puis certains ont un meuble aussi pour les CD. Et bim, on envoie celui-ci. Transition. Black Kite. Please. C'est bien cela, hein? Pump it dans vos oreilles. C'est une chanson grecque, hein? Vous vous rappelez, je l'ai fait la semaine dernière. Vous avez suivi? Oui, on s'en rappelle très très bien. Complètement. Un rébéticon. C'est pour ça qu'on l'a remis d'ailleurs. Mais là, par les Black Eyed Peas. C'est vachement moins bien que l'original. Maintenant, on va se taire, André Manoukian, on va la reprendre. Si vous voulez, ça va commencer là. Voilà. Hein? I know why they hating on us, cause the style so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Girls be all on us, from London back down to the US. We rockin', it's contagious, monkey business outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Come on, baby, just pump it. Check this out right here. Do wanna hate on us. Dude, dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstay when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Black Eyed Peas dans une émission où on aligne les infos comme des petits pois, ça tombe bien, sur France Inter à 17h20. Alex Vizorek autour de cette table. Eh bien nous avons Clara Dupont-Menon, nous avons André Manoukian et nous avons Guillaume Meurice et notre invité Babouze qui me regardait en disant mais elle parle tellement bien anglais, moi je ne sais pas pourquoi elle fait cette blague sur les petits pois. Non, c'est juste on n'aligne pas les petits pois. Enfin moi quand j'en bouffe des petits pois, je les aligne pas. Ah non, mais par exemple ils sont alignés quand même quand vous les écossez. En France, je sais pas en Belgique, mais quand vous les ouvrez, ils sont alignés dans le. Je crois savoir qu'en Belgique effectivement ils vendent les boîtes de petits pois en cube. Sinon, si vous vous ennuyez alignés, chez vous, si vous vous ennuyez chez vous, il est possible. Nous, c'est des boîtes. C'est un peu le bordel. Quelqu'un qui s'ennuie peut très bien ouvrir une boîte de conserve et aligner les petits pois. Je suis désolée. Ne commencez pas à me chercher. Bon, ça passe le temps. Qu'on travaille un peu, 2 minutes. Écoutez, on va faire une revue de presse. Oui, parce que c'est moi chef dans cette émission, je vous le rappelle. Et on va faire une revue de presse à deux voix avec tout ce qui reste d'infos dedans. Et voilà. Charline Van Macker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et j'ai décidé qu'on commençait cette revue de presse par parler de Laurent Wauquiez. Mais voilà. Oui, c'est passionnant à l'UMP tout ça, et d'ailleurs cette histoire d'appeler à voter PS dans le Doubs, ça l'a énervé mon Lolo Wauquiez, et sur Europe 1 il a déclaré, est-ce que De Gaulle appelait à voter Guy Mollet? J'aimerais bien que chacun réfléchisse à ça. Paf. Carrément la référence au général. Ah oui, ouais. Le général c'est inattaquable, sauf que c'est pas vrai, parce que comme le dit Libé, un rapide coup d'œil sur Wikipédia suffit pour vérifier que le général De Gaulle n'a pas eu besoin à appeler à voter pour Guy Mollet, puisqu'il en a fait son ministre pendant un an et demi. Ah oui, pas de chance. Et comme le disait Napoléon, il faut toujours se méfier quand on cite le général de Gaulle. Ah, il a vraiment dit ça, oui. Napoléon. Vous irez jeter un bref coup d'œil sur lui qui fait. Ouais, d'accord, très bien. Alors, parlons un petit peu du maire de Hénin-Beaumont. C'est à 3 quarts d'heure de chez vous, de votre ancien chez vous, ça babouze. C'est très joli. Ouais, c'est... Hénin-Beaumont, Steve Briouat, l'élu local de l'année, rappelons-le. Lui-même, je peux vous dire qu'il n'a pas été élu local par hasard dans sa commune pour empêcher les cambriolages dans un quartier à risque. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait construire un mur au bout de la rue, paf. Ah oui, mais c'est vrai que ça s'est déjà révélé très efficace à Berlin. Aucun voleur de la RDA n'a jamais été surpris en train de cambrioler un habitant de la RFA. Non, c'est de la moquerie, parce que, bon, excusez-moi, mais Briouat, il y a un problème, il trouve une solution et puis c'est tout. Oui, enfin, ça pose un petit problème pour les habitants de la rue, parce qu'à cause du mur, ils ne peuvent plus rejoindre directement l'autoroute pour quitter la ville. Ah oui, ça c'est bête évidemment, parce que s'il y a des étrangers qui habitent dans la rue, ils vont plus pouvoir rentrer chez eux. Ça c'est. Oui, mais ça coince les cambrioleurs. C'est une bonne idée, se murer. Oui, mais alors, et pour se rendre à l'école, le chemin est rallongé. Oui, mais l'éducation c'est secondaire. Si un gitan vous pique votre télé, vous aurez plus envie d'aller à l'école, c'est sûr. Bah, oui, mais et chez le médecin. Alors vous imaginez, il y a une urgence, bim le mur. Là, oui, mais et si un djihadiste vous tue, vous aurez plus envie d'aller chez le médecin. Hein, je dirais au moins ici, il y a le mur. Hein, je dirais, le djihadiste va voir le mur, il va dire, bah je vais pas aller ici, je vais être dans un autre quartier. Bon, écoutez, Alex, c'est insupportable. Moi, j'ai l'impression d'être face à un mur. Là. Ah, vous voyez que ça marche. Hein, c'est con un mur, mais ça. Bon, très bien, alors passons à une info judiciaire. Oui, oui, ça s'est passé à Paris et franchement, nous Belges, on est envieux de cette info. Ouvrez les guillemets, le patron de la PJ parisienne en garde à vue. Non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Effectivement, évidemment. Bernard Petit a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des fuites dans un dossier instruit à Paris. Alors j'aurais bien aimé être le policier qui va arrêter son patron. Oui, le tendez la main, là, oui, je vais vous mettre les menottes. Oui, oui, je vous montre pas le chemin de la cellule. Non, non, mais c'est pas vous, c'est. Et pour ma mutation à Roubaix, on en parle maintenant. Non, plus tard. Oui, je préfère, moi aussi. Et alors là, il y a un jingle qui part. Personne ne se réveille. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'on rit beaucoup dans le local technique. Et donc, hop, on ne lance pas les. Dans le local technique. On dirait le placard à balai. Ça doit être ça, oui. À 17h23 sur France Inter. Allez, nous sommes en compagnie du dessinateur Babouze. Premier sujet, François Hollande a reçu son nouvel ami européen, Alexis Tsipras. Donc là, je lance des œillades au local technique. Attention, parce qu'il y a un son qui va partir. Attention. François Hollande, je le répète, hein, François Hollande a reçu son nouvel ami européen. Non mais oui, mais ils sont jolis ces moufles, mais enlevez-les. Attention, nous avons pu récupérer l'enregistrement de leur entretien. Attention, il y a du son. François. Oh. Je te dérange pas, là. Non, non. Qu'est-ce que tu as? T'as pas l'air très... Non. Non, j'ai des ennuis d'argent. D'argent? Merde. Je te demande même pas ce qu'il te faut là, parce que... Non, mais laisse tomber. Demandez ça, tu sais, parce qu'il y a des moments où on est un peu... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vais m'arranger, t'inquiète pas. Si seulement tu m'avais demandé ça. Quelle journée? Je sais pas quoi te dire. Tu dis rien? François, j'ai besoin d'argent. Et voilà, c'était dans Vincent, François, Paul et les autres, film de Claude Sautet. Alors, Le Parisien, aujourd'hui en France, nous explique que Tsipras est venu chercher un peu de souplesse auprès de François Hollande. C'est comme si François Hollande, c'était la Nadia Comaneci de la dette. Quoi. C'est... Alors, est-ce que... Bon, la venue de Tsipras, déjà, est-ce que ça vous excite un petit peu, ça, Babouze? Son tour d'Europe, et puis bim, il passe par Paris, par Bruxelles. Est-ce qu'il y a un... il doit y avoir un vent nouveau qui souffle à l'humain, non? Oui. Ah oui, oui. Ça, enthousiasme. Ça dépend de ce qu'il y a à manger à la cantine, mais... non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Hollande voulait être le trait d'union en fait entre Berlin et Athènes. Mm-hmm. Et ce qui m'inquiète simplement, c'est que avec la tête de nœud qu'il a, Hollande, le trait d'union, à mon avis, c'est une grosse bite dans le cul de Tsipras. Mais si c'est une analyse, on peut appeler ça une charnière aussi, si vous voulez. Hein, c'est une belle métaphore. En disant cas, un pénis dans les parties charnues. D'accord. C'est vrai qu'on est sur le service public. D'accord, je comprends. Alors, je vais traduire, c'est-à-dire que Hollande joue son rôle qu'il a toujours aimé de synthèse entre Angela Merkel et Tsipras. Synthèse, donc, il est au milieu. C'est ça. Voilà, il va faire honneur à son joufflu. Voilà. C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Ouais, d'accord. Oui. C'est l'économie expliquée aux enfants, finalement, mais avec des images. C'est ce qu'on appelle en France. On a perdu Clara Dupont-Mono. Ce qu'on appelle en France la gauche de la gauche. La gaule de la gaule. Oui, c'est ça. Par exemple, Benoît Hamon, député PS des Yvelines, est considéré comme la gauche de la gauche. Alors on peut trouver que c'est un pléonasme hein, comme formule. Il est très très bien habillé, je trouve. Hamon, toujours. Hamon, hein. Oui, c'est vrai. Et là, Hamon dit Hollande doit faire un geste fort. Ben voilà, c'est bien ce que je disais. Un bras d'honneur, vous l'avez dit. Non. Ah ben ça, le fuzz-fucking, je veux dire, c'est ça. Et plus si affinité, forcément, quoi. Mais bon. Ah, je voulais dire que votre grille de lecture est assez... vous faites une scatologique. Ah ben c'est pas plantu hein, que vous avez invité, hein. Faut savoir. Hein. Mais y a pas de soucis, ah non, mais... si vous voulez des colombes et des petits cœurs, y a pas de soucis, hein. Mais faut pas se planter de journal. Des souris. Ah non. Mais... Non, il y a Gay-Luc aussi. C'est... Vous dites il est ça, sympa. Il y a pas tant d'allusions scatologiques dans vos dessins. Ou alors j'ai mal lu. Non, c'est vrai. Mais justement, quoi, je peux pas faire dans mes dessins. Je me défoule quand même, quoi. C'est ça. Mais alors, c'est le genre de choses qui ne passe pas inaperçu chez André Manoukian, parce que lui aussi, des fois, il va un petit peu. J'espère que vous n'allez pas en rajouter une couche, André Manoukian. Non, pas aujourd'hui. Demain, il n'y a pas, oui, y a pas de déhanchement du périnée ou de ce genre de choses. Non. Là, on est dans le sérieux, on est dans du lourd. Écoutez, petite gamme pentatonique, mais celle-ci, elle vient du Caucase. C'est un des plus grands pianistes du monde. Il est tout jeune. Alors, par où commencer ? Ah, alors, ça c'est la question. C'est ça le truc. C'est souvent par où finir qui pose le problème. Là, si on commence par le commencement. Allez, on va commencer. Il y a une expression qu'on utilise dans la musique baroque pour exprimer l'art des variations. On dit coloratour, donner de la couleur à une mélodie. Par exemple, c'est ce que vient de faire notre ami, il donne de la couleur à ses propos. Il fleurit, c'est en forme de... Voilà, en gros, vous avez une mélodie, elle est belle en soi, vous vous en emparez, et vous osez l'impensable, vous construisez votre propre mélodie autour de la première. C'est le privilège de l'oralité, dont je suis un grand défenseur ici, vous le savez. Prendre un discours, une pensée, une mélodie, non pas comme une parole figée, mais comme un squelette sur lequel vous allez poser vos propres muscles, que vous allez innerver, irriguer de vos propres humeurs. C'est ce que vous faites avec l'actu Charlie, mais c'est aussi Charline. Je vous ai appelé Charlie, c'est à cause de lui à côté. C'est à cause de Babou. Mais c'est aussi la démarche du libre penseur, de l'adepte éclairé, de l'élève en voie de maîtrise, d'un créateur enfin. En fait, l'artiste ne fait rien qu'imiter le travail de la nature qui nous a fait mortels. Pourquoi la nature, à qui profite le crime ? Pourquoi la nature nous a fait mortels ? Parce que pour que notre ADN se développe à travers chaque expérience humaine. Si au début il y avait des immortels, il serait resté l'ADN coincé dans un pauvre corps, alors que là il est en train de se diversifier. C'est un petit peu pareil avec la musique, si vous voulez. Il faut s'emparer des mélodies des autres pour les faire avancer. Tigrane est un jazzman hors pair. Il est né dans un tremblement de terre. Mais un vrai tremblement de terre. La rencontre de la plaque eurasienne et de la plaque arabique. Bim, pas de peau, c'est là qu'est l'Arménie. Putain, vous avez compris pourquoi je suis triste des fois ? Voilà, c'est précisément la couleur de sa musique. Pile à la croisée de la musique occidentale et de la musique orientale. La musique occidentale a 7 modes, 7 manières de monter une gamme. La musique orientale en a 50. Quant à la musique indienne, elle en compte plusieurs centaines. Je vous ai déjà dit qu'avec une expression d'un raga, tag de gidag doum, ça veut dire Charline, quand je vois vos yeux, je sens jaillir en mon cœur un geyser comparable à celui du lac Léman. Vous voyez, c'est des petites phrases qui sont codées et qui ont toute leur signification. Dans une gamme orientale, on joue avec l'ambiguïté du majeur et du mineur. En Occident, on affirme carrément un genre et on s'y tient. En Orient, il passe de l'un à l'autre, là, quand on écoute. Vous voyez, là, il est majeur et tout d'un coup, il va passer en mineur. Et là, vous allez vous sentir un petit peu comme aspiré par le vide, comme quand Clara Dupont-Meneau me regarde avec ses yeux et tout d'un coup, voilà. Des majeurs qui passent au mineur, il y en a dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. Mais... Je ne vais pas m'en sortir avec vous, mais j'arrive pas à m'y habituer. J'ai été innocenté. En même temps, ça me fait marrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se réjouir complètement en Orient ? Pourquoi est-ce qu'on mélange toujours ce mineur ? Le poids du fatoum, la peur de se réjouir trop fort pour ne pas attirer la jalousie des yeux. Restez vigilants. Je suis en train de vous raconter un truc. Moi aussi, je vous écoute, André. Voilà. Nul mieux que cette musique pour exprimer la peine du paradis perdu et l'espoir insensé de retrouver une terre amie. Je rappelle que la légende veut que sur le mont Ararat, qui est au-dessus de l'Arménie, qui lui appartient même plus, c'est là que Noé a posé son arche. Le jeune Tigrane qui a échappé au tremblement de terre et au centralisme démocratique du camarade Staline, qui interdisait les disques de jazz dans l'Union soviétique, découvre en même temps que la musique classique et la musique de ses ancêtres, le jazz. À l'âge de 11 ans, il fait des transcriptions de Charlie Parker à l'oreille, en moins de temps qu'il n'en faut à ma petite sœur pour finir son dessert. Le voilà libre comme l'air, fort de toute la culture musicale du monde. Le jazz est au bout de l'harmonie occidentale, les rythmiques ternaires du jazz venues d'Afrique, mêlées aux polyrythmies des Perses et des Turcs qui maîtrisent, vont lui donner une assise rythmique implacable. Certains disent, si Dieu était rythmicien, il s'appellerait Tigrane. Imaginez un homme ayant toute la science de Montaigne, de Spinoza, de Lao Tzu qui maîtrise l'art du kung-fu égyptien, c'est un peu tout ça, Tigrane au piano. Entre les Russes et l'Orient, Tigrane, c'est Bill Evans qui rencontre Rimsky-Korsakov. Il chante sur ses solos de piano comme Keith Jarrett, mais d'une voix juste, parce que des fois vous êtes obligé de chanter votre solo pour que les voix... C'est la voix qui guide les doigts du pianiste vers la lumière. Moi, c'est la voix des chanteuses qui guide mes doigts. Parfois, au bout du tunnel, j'ai vu la lumière. c'est grâce à André Manoukian. Et son album s'appelle Mokroute. Et vous avez senti les polyrythmies, Charline? Ça me paraît dense, oui. Ouais, voilà, c'est dense, en même temps c'est explosif, c'est très concentré, mais c'est une musique qui fait aussi planer, quoi. Tigrane, vous pouvez retrouver les références, les disques que choisit André Manoukian sur franceinter.fr. Merci André, restez avec nous parce que c'est bientôt le moment, dans quelques secondes d'ailleurs, de Guillaume Meurice. Nous sommes en compagnie de Babouze, le dessinateur, de Luma et de Charlie. Nous sommes avec Clara Dupont-Monod, Alex Vizorek. Et donc Guillaume Meurice, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui nous vaut le plaisir d'être venu. Nous sommes le 4 février, Charline, et c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Mais alors, quelle connerie! Alors déjà, les journées internationales, ça devient n'importe quoi. Il y en a absolument pour tout. La journée mondiale des chaussettes sales, la journée mondiale des ragondins unijambistes, la journée mondiale de l'herpès de ma cousine. N'importe quoi. Mais alors aujourd'hui, c'est le pompon. Lutter contre le cancer. C'est complètement stupide, quoi, je veux dire. C'est oublier que le cancer, c'est très bon pour la croissance économique. Ça crée de l'emploi, le cancer. Des cancérologues, bien sûr, mais pas seulement. Des infirmières, des employés des pompes funèbres, des marchands de cartes de condoléances, etc., etc. Donc oui au cancer et gloire à tous ceux qui se démènent tous les jours pour qu'on en chope un des intestins par exemple grâce à la malbouffe. Tiens, à ce propos, j'ai appelé McDo. McDonald's France, Marie, bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler juste pour une raison très simple, pour vous dire que j'aime beaucoup beaucoup ce que vous faites. D'accord. Voilà, vraiment, vraiment tout. Je kiffe tout ce que vous faites. Tout ce qui est frites, tout ce qui est sandwich. Voilà, voilà, merci quoi, vraiment merci. Très bien. Ah d'accord, j'appelle pour dire que je les aime, ils me raccrochent au nez, oh, bah, bien, ça, d'accord. La meuf, elle s'est prise pour Clara Dupont-Monod, hein, et puis elle m'a pris pour Alex Vizorek, d'accord, j'hallucine. Bon écoutez, ça va pas se passer comme ça, j'ai appelé le service consommateur de McDo pour me plaindre. Je pense que c'est simplement un problème de... Voilà, une erreur de manipulation. Ah bah j'espère, parce que là... Non, moi c'est juste pour vous dire que... Oui, dites-moi. Bah, c'est juste pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, ouais, j'aime beaucoup vos produits, j'aime beaucoup ce que vous vendez, j'aime tout. Quoi. Ah ben écoutez, c'est très gentil, hein. On ne reçoit pas tout le temps des appels comme ça. Donc, ah ben moi je vous le dis. Que j'ai pu vous avoir au téléphone. Voilà, moi je vous dis vraiment, en règle générale, j'aime tous les produits qui donnent le cancer. Donc, ah bon, parce que ça donne le cancer. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour votre appel. Ouais, merci à vous. J'en prends note. Ah bah d'accord, elle avait pas l'air de savoir qu'on pouvait choper des bons cancers en mangeant McDo. Elle était pas très maligne, contrairement à la tumeur que McDo nous promet. Alors, évidemment, il n'y a pas que la malbouffe, il y a aussi, bien sûr, la fameuse industrie du tabac. J'ai donc appelé Imperial Tobacco, un des leaders du secteur au niveau mondial, pour leur dire bravo à vous les amis. Trop aimable. Vous faites un chouette boulot, quoi. Fort bien, merci, ça m'a droit au cœur. Qu'est-ce qui me vaut une manifestation aussi spontanée et débonnaire de compliments? Parce que j'arrête pas d'entendre... Une journée ensoleillée ou... Même pas, c'est juste que j'arrête pas d'entendre que la cigarette c'est une nuisance, que la cigarette ça donne le cancer, donc à un moment donné il faut aussi appeler les gens qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et, oh bah écoutez. Et voilà, et oui, bon c'est vrai, on le sait, la cigarette ça donne le cancer, mais après tout, voilà, ceux qui veulent pas fumer, bah c'est juste qu'ils ont peur du cancer, et puis c'est tout, c'est leur problème quoi. La liberté avant tout, oui. La liberté d'avoir un cancer avant tout, on est d'accord. Eh oui, vive la liberté. Vive la liberté d'avoir un cancer. Il a raison, ce Robespierre du lymphome. Poursuivons notre lutte. Poursuivons notre lutte pour la France, camarades, avec l'industrie du nucléaire. J'ai appelé EDF. Je me permets de vous appeler pour vous faire une simple demande. Je cherchais à me procurer des tracts pro-nucléaires. Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Si on n'a pas ça, nous, hein. Vous avez pas ça? Vous avez pas de prospectus Non, je sais même pas s'il y a un service anti-nucléaire au sein d'EDF, monsieur. Non, justement, je cherche un service pro-nucléaire. Oui, justement, mais donc un service qui lutte contre les anti-nucléaires. Oula, attendez, un service qui est contre ceux qui luttent contre les anti-nucléaires? Non, c'est l'inverse. Là, il y a trop de négation, c'est une sorte de ni. C'est une sorte de Sarkozy puissance 15, le gars. Bon, en tout cas, il ne pigeait rien. Alors, tant pis pour le nucléaire, j'ai tenté ma chance chez le top du top des producteurs de cancer dans le monde. J'ai nommé Monsanto, j'ai appelé le siège social pour les soutenir. C'est-à-dire? Il y a beaucoup d'associations qui sont des associations... avec des saloperies d'écolo, là, comme on les connaît. Et il n'y a, pas d'association pour vous soutenir, en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça serait envisageable de vous faire un don? Je ne sais pas du tout comment ça se passe, après. Et ça se fait? Il y a des gens qui vous soutiennent quand même, ou vous vous sentez un peu seul dans le combat? À mon niveau, je n'aurais pas les bonnes réponses à vous apporter, parce que nous, c'est vraiment... Là, vous êtes au siège, donc j'ai vraiment peu de... peu d'appels de ce type, donc je ne saurais pas du tout vous répondre. Ah ouais, donc il y a vraiment peu de gens qui vous soutiennent, quoi. Oui. Eh ouais, voilà, c'est ça le drame en France. Les gens se plaignent sans arrêt de leur vie, mais dès qu'il s'agit de mourir, il n'y a plus personne. Donc c'est décidé, je vais organiser des grandes soirées caritatives en chanson avec tous mes nouveaux amis qui sont de beaux et vrais enfoirés. À nous la tournée, à nous les cancers dans toute la France. Merci Guillaume Meurice. Dites, alors, on dénonce aussi parfois les conflits d'intérêts de nos politiciens, oui, dans cette émission. Quand on le fait, voilà. Alors ça, je sens que ça va nous tomber dessus, ça. Oui, mais alors, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt autour de cette table, c'est la question. Moi, j'en vois pas. Moi, j'en vois aucun. Je ne vois que nous des gens sympathiques. Nous sommes en compagnie de Babouze sur franceinter.fr. Donc, si tu écoutes, j'annule tout. Et est-ce que moi, j'ai enquêté et j'ai vu que Babouze avait illustré votre livre, Guillaume Meurice. Ah, mais c'est l'autre Babouze. Ah, c'est l'autre, celui qui travaille à Charlie Hebdo. Voilà. C'est oui, ça. Oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, comme ça, les choses sont claires avec nos auditeurs. Oui, hein, voilà. On peut le trouver quelque part, ce livre, parce que on parle du livre. Oui, maintenant. Je ne vais pas faire de la publicité pour un livre qui est en vente sur mon site internet, guillaumemeurice.fr. Ça serait quand même. Donc ça, c'était sociale, pour le conflit d'intérêts. Ouais, c'est le point Éric Woerth que vous adorez interviewer à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a tout appris. Les pages avec du texte se déchirent facilement. Donc comme ça, vous pouvez garder que les dessins. On garde que vos dessins. Babouze, qu'on retrouve tous les mardis c'est plus joli. Oui, c'est bien. Dans l'Humanité et qu'on retrouvera donc à partir du 25 février dans Charlie Hebdo. Enfin, votre homonyme, hein, je veux dire. Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Vous travaillez au numéro du 25 février, enfin votre homonyme. Je peux pas parler pour lui, hein. Moi, je veux pas être associé à ça. Vous n'avez pas de ces nouvelles qui puissent nous dire s'il bosse un peu pour le 25 février, parce qu'on est. Je crois qu'il était. On est impatient de retrouver Charlie. Je quand l'ai même. Vu dernièrement en train de crayonner un cochon qui faisait honneur au joufflu de Mahomet. D'accord. Ah oui, le croisement que c'est l'autre. Heureusement que c'est l'autre. Heureusement que c'est pas vrai. Ou alors, je crois aussi qu'il y avait quelque chose sur Gay-Luc et sur Plantu. Oui. Apparemment, vous teniez à placer ces noms dans ouais, l'émission, hein, ça j'ai compris. Ouais. Allez, on passe au deuxième sujet d'actualité. À Andorre, on ne passe plus la frontière avec des cigarettes, mais avec les bifetons qu'on a récupérés sur son compte. Car Andorre n'est plus un paradis fiscal, enfin plus tout à fait, et ça change bien des choses dans la principauté. Messieurs, je ne vous espérais plus. Depuis deux jours, la ville a été complètement évacuée et moi-même, je m'apprêtais à quitter El Ksour. Vous arrivez à temps. Ah, je m'appelle François Laroche-Fréon. Et je suis le directeur de cette banque. Enfin, c'est-à-dire de ce qu'il en reste. Extrait des Morfalous, film d'Henri Verneuil. Alors, 7000 Espagnols traversent chaque jour la frontière, certains plusieurs fois par jour, c'est de l'acharnement. Et les bifetons, quand ils ferment leur compte à Andorre et qu'ils récupèrent les bifetons, eh bien, les bifetons sont cachés dans des landaus d'enfants à double fond, des doublures de manteaux ou dans les valises de mémé, parce que mémé est au-dessus de tout soupçon, bien sûr, c'était une page dans Libération, datée d'hier d'ailleurs. Alors, Andorre qui n'est plus un paradis fiscal perdu, ça vous l'avez gros sur la patate, j'imagine. C'est certain, moi j'ai qu'une crainte, parce que bon, il n'y a rien à Andorre, hein. C'est moche, il n'y a rien. Si en plus c'est même plus un paradis fiscal, ouais, c'est... En fait, on pourrait l'appeler le Nord-Pas-de-Calais. C'est pareil. Vous avez raison. Alors, désormais... Non, c'est plus joli, il y a de la montagne. Oui, c'est vrai. On appelle ça les terrils, mais c'est pareil. Ouais. Alors, désormais, les gens ne viennent plus planquer l'argent, mais le dépenser, parce qu'évidemment, Andorre a su s'adapter, ils sont malins. Donc, il y a ouverture d'un casino, et puis Andorre s'est transformé en un immense centre commercial, donc tout n'est pas perdu. Pour ceux qui aiment l'argent, ça c'est sûr. Mais si on lit tout ça, qu'on sait qu'il y en a 7000 par jour, la police espagnole, elle fait rien. Ah bah si, alors ils ont le nez fin maintenant, ils ont le nez creux. Alors avant, on traversait avec les cigarettes, maintenant les chiens sont dressés et ils ont le nez fin pour sentir le billet de chez mamie. Enfin, il y a quand même un tellement gros flux que, bon, voilà. Alors, la raison, c'est surtout qu'ils ont eu les jetons, parce qu'en 2008, un premier impôt direct sur l'activité des entreprises est arrivé, et puis depuis janvier, les 80 000 Andorrans s'en sont mis à l'impôt sur le revenu parce que la crise est passée par là et qu'il y avait moins de recettes. Donc c'est même pas qu'on leur a fait peur. On se fait du souci quand même pour ces gens. Est-ce qu'on est écouté ? Est-ce qu'il y a... On leur dit bonjour peut-être. Bah, peut-être qu'on peut leur envoyer un chèque, non ? Je sais pas, faut les aider peut-être. Mais c'est intéressant, c'est quand envoyer Guillaume Meurice en reportage. C'est quand même l'histoire d'un petit territoire qui doit complètement réinventer un modèle économique. Et ça, bon courage si vous avez des idées, Babouze. Bah, il a l'air des baraques à frites. Ça marche toujours. Ça, c'est vrai. Des baraques à frites, c'est... Des dessins sur Andorre, ça peut s'envisager dans l'UMA, non ? C'est quand même un sujet, c'est ce genre de sujet dont, dont vous aimez vous emparer, ça quand même, c'est un oui, beau... Oui, tout à fait. C'est croquignolesque, non ? Mais il y a peut-être des intégristes andorrans, il faut quand même se méfier. Oui, il y a vous avez raison. Des intégristes du billet vert, sait-on jamais. Il faut faire gaffe, oui. On ne sait jamais, quoi. Oui, et ce sera la conclusion de ce sujet. On ne sait jamais, il faut faire gaffe. Non, c'est pas la conclusion, je pense qu'on peut rester là-dessus. Parce que maintenant, je respecte ce qu'a dit mon ami Gay-Luc, c'est-à-dire que il faut dessiner des petits fleurs et des chats castrés. Alors vous êtes sévère avec Gay-Luc. Avec ça. Est-ce qu'il y a un schisme entre les dessinateurs? Parce que c'est quand même terrible, là, quelques semaines après. Qu'est-ce que vous lui voulez? Parce que vous tenez absolument à placer Gay-Luc dans la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Connard. Absolument pas. Gay-Luc qui écrit dans Ciné Hebdo, il faut voilà. Sinon mensuel. Et qui a un humour noir. Ouais. Bah oui, il y a une partie d'humour très noir chez Gueluc. Oui, je suis d'accord. Mais inspiré de Chaval et compagnie, il a quand même Chaval comme référence. C'est quand même un sale con. Quand vous lisez Chaval, c'est de l'humour noir, c'est pas des petits chats. Quoi. Étayez votre raisonnement, parce que c'est un peu... c'est un peu léger, M. Babouze, dites-nous. Oui, mais je raisonne avec les tripes, c'est pour ça. Et non, c'est les propos qu'il a tenus par rapport à la responsabilité de Charlie Hebdo quant à... le dessinateur doit être responsable et tout. Je n'y crois pas un seul instant. Et même, je trouve ça irrespectueux au possible pour les familles des victimes, que ce soit la famille des dessinateurs, que de toute l'équipe de Charlie Hebdo, le correcteur, etc., que ce soit pour les policiers, pour les autres victimes. Je trouve ça d'un irrespectueux et même dangereux parce qu'on n'a plus besoin de censure en France. Il n'y a pas de censure. Moi, je n'ai jamais été censuré. Tout ce qui suffit, c'est de laisser les gens être responsables. C'est-à-dire, responsable, ça s'appelle trouillard pour moi. Ça s'appelle... là, on avait gagné du terrain. On a eu un formidable pays avec une longue tradition de liberté d'expression. On a toujours fait des caricatures, que ce soit sur le pape, sur les rabbins, sur n'importe qui. On n'a jamais eu de soucis. On ne voit pas pourquoi, à partir du moment on traite tout le monde à égalité, pourquoi on se passerait de rigoler aussi avec l'islam? Et donc il y a une sorte de schisme entre les trouillards et puis ceux qui continuent ce combat de la liberté d'expression ? Non, pas vraiment, c'est pas ça. C'est parce que moi j'ai des copains qui m'ont dit clairement qu'ils le feraient plus. Par exemple, excuse-moi, je suis pas un héros, moi je vais faire attention. Mais Gueluc, pour le coup, ne l'a jamais vraiment fait avec le prophète, il n'a jamais dessiné de prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait dû, d'après vous, par rapport à ce qui s'est passé, ou non, continue sa ligne ? Non, pas du tout, il aurait juste dû fermer sa gueule plutôt que de dire une connerie. Mais c'est tout, quoi. C'est le seul truc. Bon, voilà, le message est passé en tout cas, Babouze. Clara Dupont-Monod. Dans cette ambiance légère. Bon, écoutez, ben non, c'est non, la liberté d'expression, c'est léger. Plantu aussi, c'est un connard. D'accord. Donc, alors, après ça, il faut dire... Je viens d'avoir mon volume de pige qui vient de baisser d'un seul coup. Qu'est-ce que vous reprochez à Plantu, Babouze? Brièvement. À partir de 2012, d'avoir dégueulé sur Cherb, notamment sur un dessin où il se foutait ouvertement de la gueule de Cherb. Je comprends même pas qu'un tel dessin... Ça arrive qu'il y ait des querelles. Non, c'est pas ça. C'est que après, il a créé son association de merde, Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, qui quand même, permet d'avoir des expos itinérants. Qui à l'origine, l'association de Plantu, c'était, il y avait un deal avec d'autres dessinateurs qui étaient. On arrête de faire des caricatures de Mahomet si vous arrêtez les caricatures antisémites. Je sais pas, je vois pas ça, je donne pas le même poids aux deux, bizarrement. Nous, c'est pour rire, c'est pas offensant, quoi qu'on en pense. Mais fondamentalement, Cartooning for Peace, c'est quand même une très très belle initiative qui tend la main à plein d'humoristes dans le monde. Et qui reçoit des prix du Qatar, une grande démocratie s'il en est. D'accord, bon, on aura pas d'accord. Je pense que personne ne sera d'accord, mais on invitera Plantu pour donner sa version. Et éventuellement quelques insultes à votre égard, comme ça, ce sera je serai content. Le CSA tient le chronomètre. Je serai très honoré. Claire Dupont-Monod, allez-y. Charline Vallonacker. Eh bien, l'actualité, Charline, c'est aussi Philippe Martinez. On l'a oublié. Philippe Martinez, qui futur est donc, personnage de Babouze, j'imagine. J'imagine, parce qu'il a été élu hier à la tête de la CGT, donc à la place de Thierry Lepan. Alors, il fait partie des durs, hein, puisqu'il dirigeait la section métallurgie de la CGT. Mais je voudrais dire aux patrons inquiets, aux industriels angoissés, aux repreneurs chinois et qataris, pas d'inquiétude, parce qu'avec Philippe Martinez, tout va bien se passer. Les dialogues seront fluides, les blagues bon enfant, on va trouver des accords, pour une raison très simple, c'est que Philippe Martinez porte la moustache. Et que ça, c'est le signe réel d'un homme de valeur. Je suis en train de m'apercevoir qu'autour de cette table, il n'y a qu'André Manoukian, d'ailleurs, qui porte la moustache. Alors évidemment, j'exclus d'emblée de cette chronique Michel Blanc dans Les Bronzés. J'exclus évidemment Adolf Hitler, Staline, Saddam Hussein et autres dictateurs sanguinaires moustachus. J'exclus également Shakespeare, qui qualifiait la moustache de, je cite, « d'excrément capillaire ». Et il est bien le seul, parce que s'il y a un domaine qui a reconnu la noblesse de la moustache, c'est la littérature. La moustache, dans la littérature, c'est un ornement. Hercule Poirot, le héros de Agatha Christie, lui, il met de la cire sur sa moustache. Et puis, dans Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, on découvre, je cite, « un beau jeune homme aux cheveux noirs, à la moustache luisante ». Donc, vous voyez, il faut que ça brille. Et puis, un peu plus loin, l'amoureuse de ce jeune homme, dans Le Comte de Monte Cristo, s'ébahit, car il a, je cite, « une longue moustache et un grand sabre ». Eh oui, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la sexitude de la moustache. Oui, Philippe Martinez a beau être syndicaliste, sa moustache le rend sexy. On va peut-être pas l'appeler le Freddie Mercury du syndicalisme, ce serait un tout petit peu exagéré. Mais, il pourrait ouvrir la prochaine réunion CGT patron par... Ça aurait de l'allure quand même. Mais vrai. Il pourrait aussi refonder l'International des moustachus et revoir le chant... Son hymne, c'est le poil final. Forcément. Cette blague-là m'a été soufflée par Alex Vizorek. Oh non, c'est complètement faux. C'est dégoûtant. C'est complètement faux, mais voyant que personne ne rit, je me permets de me décharger un peu sur lui. Revenons à la littérature. On ne compte plus les écrivains géniaux qui portent la moustache. Il y a celle d'Émile Zola, associée à une barbe. Hein. Lui, il avait les deux, qui lui donne un air de vieux druide, de vieux sage. Il y a celle de Mallarmé et de Gustave Flaubert, qui ont exactement la forme d'un accent circonflexe, comme vous les voyez, comme ça, avec le chapeau chinois. Et celle de Guy de Maupassant, bien sûr, appelle le baiser. Parce que s'il y en a un qui a célébré le côté érotique de la moustache, c'est bien Guy de Maupassant. Il a même écrit une nouvelle, en 1883, très courte, qui s'appelle La Moustache. Et c'est l'histoire d'une jeune femme. C'est une lettre, hein, cette nouvelle, c'est juste une lettre, c'est très court. Une jeune femme qui écrit à sa copine en lui disant « Je suis très embêtée parce que je viens de découvrir mon mari sans moustache et ça le rend beaucoup moins attirant. » Et elle dit à sa copine « Ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût, aucun. Cela n'a plus ce charme, ce moelleux et ce poivre, oui, ce poivre du vrai baiser. La moustache en est le piment. » Fin de citation. C'est quand même merveilleux. Clara, non, rien. Très bien, merci pour cette intervention. Poursuivez, Clara. Non, mais dans l'élan, voilà. Allez-y, continuez, pardon. Vous voulez en rajouter une troisième? Oui, non, rien dire. J'ai guetté la vanne de Clara, votre moustache à vous, enfin, ce genre de choses. Oh là là, ça chez nous. Mais voilà, bien sûr. Non. Notons que la disparition de la moustache, c'est quand même un thème très romanesque. La disparition a inspiré Emmanuel Carrère dans un texte qui est assez méconnu de lui, qui s'appelle La Moustache, exactement comme Guy de Maupassant. Et c'est pour moi, c'est un de ses meilleurs textes. C'est l'histoire d'un homme qui, un matin, décide de se raser la moustache pour surprendre sa femme. Il sort de la salle de bain et elle ne remarque rien. Et tout son entourage ne remarque rien. Et l'homme n'arrête pas de dire « Vous avez vu que j'ai rasé ma moustache ?» Et tout le monde lui répond « Mais t'as jamais eu de moustache ?» Et le livre bascule dans la peur et on se dit « Mais qui ment et qui est fou ?» Pour moi, c'est un des meilleurs d'Emmanuel Carrère. Ces petits frissons concernent toutes les moustaches. On peut les porter minces, façon Marcel Proust ou Romain Gary, assez élégante. On peut les porter aussi fournies, comme Nietzsche, Philippe Martinez ou tout autre homme de caractère. Voilà peut-être le secret de Philippe Martinez. Sa moustache le place exactement entre Nietzsche et Magnum. Et nul doute qu'il aura certainement la clairvoyance du premier et la poigne du second. En tout cas, cher Philippe Martinez, taillez votre route, mais surtout pas votre moustache. La littérature adore. Oh, merci Clara Dupont-Meneau pour cette histoire de la moustache à travers la littérature. Et on s'est moqué de moustache féminine, mais Frida Kahlo, elle se la peignait dans les autoportraits. Je trouve que c'est fou. Frida Kahlo, c'était plutôt un monosourcil. Aussi, elle avait une moustache au-dessus des yeux, en quelque sorte. C'était le système pileux développé, très développé. Merci. Un mot sur Edoui Plenel, bravo. Est-ce de la littérature? Arrêtez, parce que vous allez relancer Babou sur Plantu. Je voulais parler de Jean-Pierre Darras, quand même, qu'on oublie trop souvent. Qui a une belle moustache. Très belle moustache. Oui. Bien vu. Alors, troisième sujet avec vous, Babouze. La culture dans ce qu'elle a de cash flow. Avant, les albums hommages étaient considérés comme des opérations de prestige. Aujourd'hui, le but n'est plus de mettre un répertoire en avant, d'après le Figaro, mais de prendre un ancien tube pour en faire un nouveau. Soyez concentrés, André Manoukian, parce qu'on va avoir besoin de votre science. Cela dit, ça ouvre peut-être des perspectives pour ces chanteurs qu'on dit has-been. Maintenant, j'ai l'impression que tout redevient possible. Et tout recommence. Je me sens libre. Alors, vous allez continuer de chanter? Le bal. C'est ma vie. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile. Quand j'étais chanteur, chanté par Gérard Depardieu dans le film Quand j'étais chanteur, avec Cécile de France. Alors c'est un article dans le Figaro qui est daté de vendredi, qu'on a retenu parce qu'on trouvait ça assez amusant. Il y a eu comme une charnière dans les albums de reprise, donc avant c'était plutôt prestigieux, et puis maintenant c'est plutôt pour faire du fric. Et puis aller en Andorre, c'est dommage. Mais il y a une charnière, c'est la génération Goldman, le fameux album où tout a basculé, Babouze. Et alors le 2 mars, il y a par exemple un album hommage à Jean Ferrat avec une distribution sans surprise, nous dit le Figaro. Il y a notamment Bruel, Cali ou Raphaël. Puis il y aura un Dutron repris par Zaz, Francis Cabrel ou Annie Cordy en Hôtesse de l'air. Alors, vous, avec votre regard de dessinateur, c'est zéro imagination ou patrimoine mis en valeur? Non, c'est le genre de sujet qui vous amuse? Surtout, ce que j'ai remarqué surtout, c'est ça. J'étais très heureux de l'apprendre, c'est Johnny qui a repris Sylvie Vartan, justement, avec du gel. Parce que d'accord. Plus mais jeune ça, non plus. Hein, je pensais que vous alliez donner... moment, le corps ne suit plus. Je comprends. Ouais, oui. Alors je pensais que vous alliez donner une information qui est dans le Figaro qui dit que pour récupérer Johnny, Universal lui avait proposé un album de reprise de Charles Trenet. La réponse de Johnny, ok, je re-signe chez Warner. Patrick Sébastien va reprendre du Léo Ferré d'ailleurs. Mais j'allais vous demander, Babouze, on est sur la même longueur d'onde, j'allais vous demander, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas des idées? Moi j'ai pensé à Adamo chante M. Pokora au lieu de Beko, ou Juliette Gréco chante Céline Dion. Des copains aussi qui ont un groupe, enfin maintenant, qui s'appelle Marcel et son orchestre. Ah oui, Marcel et son orchestre, bien sûr. Et sont des copains, et ça fait longtemps qu'ils pensent à sortir un album, sérieusement, hein, de reprise de Michel Sardou, qu'on aime beaucoup. Ah, le grand Michel. C'est une bonne idée. Ça, c'est un preneur. Ils songeaient à l'appeler Michel Sardou Tribute. C'est des MST. Très très bon. Mais bon, écoutez, ça coûte cher. Quand il sort, ça en achète. Michel, ça, c'est le grand Michel quand même. Mais il faudrait demander à André Manoukian, et ça vous semble pas d'une pauvreté artistique assez féroce? Oui, ça a toujours existé, la reprise. Ça a commencé en 1920, ça commence tout le temps. De toute façon, chaque musicien joue le répertoire de ceux d'avant. La crise, elle a commencé dans les années 90, quand tous les gars de R&B reprennent du Michel Berger. C'est pas du tout récent, le phénomène. Ça fait longtemps que ça existe, et ça existera toujours. Ouais. Ça peut être assez drôle. Nougaro avait fait un excellent album qui s'appelait Récréation, il reprenait du Trainé, tout ça. C'est bien quand les gars ont du style. Maintenant, Génération Goldman, je suis moins sûr, Clara Dupont-Mono. Par dire quand même que c'est dit dans le Figaro, donc la copie est une tendance renforcée par les télécrochets. Ben bravo, je ne vous félicite pas. Oui, parce que c'est des reprises. Les jeunes chanteurs, ils reprennent des chansons. Mais justement, s'ils les reprennent d'une manière copiée, ils se font éjecter direct. Quoi. Chez vous, c'est comme ça. Julien Doré avait l'art de reprendre des chansons de Sabine Paturel et de les amener ailleurs. Ou quand il chantait une chanson de Dalida en disant « Je veux mourir sur scène, fusillé par Drucker », il y avait il revisitait le texte, pour le coup. Sabine Paturel, il faut l'emmener ailleurs, je pense que Babouze est d'accord. Sûrement. Mais quand je n'ai pas d'avis j'ai tout mangé le chocolat. Dévorer les dessins de Babouze dans plus l'Humanité. J'étais Agathe et le groupe Regret, moi. On vous retrouve, Babouze, dans l'Humanité, mardi, votre dessin, évidemment, comme tous les mardis dans l'Huma, et puis dans Charlie Hebdo, qu'on attend donc avec impatience pour le prochain numéro. Si tout va bien. Si tout va bien, si votre homonyme, parce que c'est pas vous, on le rappelle, hein, voilà. Je vous retrouve si votre homonyme fait bien son travail pour le 25 février. Je peux passer un message personnel si c'est pas à gueuler quoi planter. Ça n'a rien à voir, je voulais dire bonjour à Mémé Coralie. Ouais. Hein. On dit bonjour à Mémé Coralie. Fais chauffer les pattes, j'arrive. Allez. Ouais. Et un deuxième mot de la fin, alors, un message aux maisons de disques qui font du cash avec des grosses reprises qui tâchent. Enculé de Beko. Enculé de Beko. Enculé de Beko. Enculé de Beko.